Nous sommes le samedi 25 novembre 2017 et voici, chers tipeurs, votre revue de presse JV du samedi. Youhou! Bienvenue dans votre édition du samedi, ce moment de la semaine où nous nous retrouvons joyeusement dans une certaine intimité. Une intimité que je qualifierais de saine, hein, sans arrière-pensée, et avec toujours cette volonté de bien faire, cette exigence du bel ouvrage afin de vous divertir, le temps d'un bon quart d'heure. Allez, c'est parti pour les premières news. Windjammers 2 en approche chez Dotemu et c'est Jarod qui nous dit ça sur Gamecult. On nous dit que déjà très impliqué dans les adaptations PlayStation 4 et PlayStation Vita du classique Windjammers l'été dernier, la société française Dotemu avait manifestement de la suite dans les idées et quelle suite ? Rien de moins qu'un Windjammers 2 dont l'existence est révélée aujourd'hui via les aides à la création de propriétés intellectuelles distribuées par le CNC. Donc Dotemu hein, qui va bénéficier d'une aide à la pré-production de 75 000 euros pour le développement de cette suite improbable du jeu de Data East sorti en 1994, ce duel de frisbee qui a une communauté d'ailleurs en France hein, assez active encore, hein. Je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, signalons aux collectionneurs que des éditions boîtes de Windjammers seront disponibles sur PS4 et PS Vita le 1er décembre prochain sur la boutique de Limited Run Games. Limited Run Games, on en a déjà parlé, qui effectivement édite en boîte pas mal de jeux qui habituellement sont disponibles en dématérialisé, bien sûr en édition limitée. Donc bah les fans de Windjammers seront contents. Moi j'aime beaucoup ce jeu, alors je porte pas au nu comme certains, mais c'est vrai qu'on passe des bons moments dessus et on sait qu'il y a des fans hardcore qui vont attendre cette suite avec grande impatience. Quelle ne fut pas ma joie, chers amis tipeurs, quand Gen Design ou Gen Design, mais moi je le prononce Gen Design, le studio constitué d'anciens membres de la team ICO, avec donc à sa tête hein, le génial Fumito Ueda, papa de ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, et ben Gen Design lance une campagne de recrutement sur son site officiel pour son prochain titre. Alors c'est un site même plus précisément qui a été spécialement ouvert, hein, et non pas le site officiel, excusez-moi, pour faire état des postes à pourvoir, à savoir des personnes sachant maîtriser les logiciels 3D comme Maya ou ZBrush, un spécialiste en animation procédurale est également appelé à la barre, mais aussi des programmeurs et concepteurs familiers des moteurs Unity et Unreal Engine. La bande à Ueda cherche également un chef de projet sachant manier la langue de Shakespeare. Donc autant vous dire que le projet s'annonce d'envergure internationale, je pense. Depuis que l'émission existe, hein, depuis donc fin septembre, je ne vous ai... Il me semble pas vous avoir déjà crié mon amour pour The Last Guardian. C'est un de mes plus grands chocs de joueurs. Vraiment, il fait partie des 10 jeux qui m'ont traumatisé. Dans le bon sens du terme, hein, j'entends. Je sais très bien que certains ont été rebutés par la caméra, par le fait d'apprivoiser la bête. Bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques. Moi, j'ai adhéré à 1000% à ce jeu qui non seulement est mon Ueda préféré, mais vraiment, voilà, une des œuvres, tous médias confondus, qui m'a le plus marqué, enfin, j'ai ressenti des choses dans ce jeu que je n'avais jamais ressenti ailleurs. Donc il fait partie de ces jeux qui vous marquent une vie, et donc c'est tout naturellement que je surveille le prochain projet. C'est une grande nouvelle pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, si. Alors, excusez-moi, mais je savoure. Si vous aviez aimé Project Cars, eh ben figurez-vous qu'une démo du deuxième épisode à venir est d'ores et déjà disponible. Il faut bien s'armer pour faire face à Gran Turismo Sports et Forza Motorsport 7. Project Cars 2 s'offre une démo jouable sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Alors vous pourrez y piloter au choix une belle Ferrari 488 GT3, une Lamborghini Huracan LP610-4 ou une Formula Renault 3.5. Les améliorations prévues pour les versions PS4 Pro et Xbox One X sont également visibles sur cette démo pour ceux qui ont les machines susnommées. Bien évidemment, si vous êtes un joueur PC et que vous êtes le repossesseur d'un équipement VR, que ce soit du Rift ou du Vive, et ben cette démo est compatible et vous pourrez la savourer en réalité virtuelle. J'ai envie de dire, c'est quand même magnifique. Un système révolutionnaire de génération de terrain, Ubisoft est déjà sur le coup, c'est ce que nous explique Dopamine sur Gameblog. Alors écoutez bien, parce que ça envoie du bois, des chercheurs de l'Université de Lyon présentent un système d'intelligence artificielle par une génération de terrains interactifs, conditionnels, s'inspirant de la réalité. Alors, il y a une vidéo hein, qui est jointe à l'article, vous verrez ça sur Gameblog. Et donc, Dopamine nous dit, non seulement le système se base sur la réalité, mais il utilise une technologie fondée sur un réseau de neurones artificiels pour fonctionner. Ce type de système de traitement de données a déjà été utilisé pour générer des visages de stars à partir de véritables données en donnant des résultats confondants de réalité. Alors ces visages, je fais une parenthèse, on les voit sur la vidéo. Et donc un petit peu pour expliquer concrètement ce qui se passe, c'est qu'on voit cette personne sur une tablette graphique effectuer des traits, comme ça, un petit peu presque comme un dessin d'enfant. Et à l'écran, un terrain, un relief secret, un terrain avec pas mal de caractéristiques où apparemment il n'y a plus qu'à mettre des personnages dessus. Donc Dopamine poursuit en nous disant « Il devient facile même pour un profane de créer des terrains très rapidement. Il faut évidemment la maîtrise d'une personne spécifiquement formée pour que le résultat soit de qualité professionnelle. C'est la machine qui se charge donc de générer un décor cohérent en fonction des directives de l'utilisateur. Il ne reste plus qu'à raffiner le tout et à dégrossir. » Sachez que l'un des co-auteurs hein, de ce programme est Benoît Martinez, hein, qui travaille chez Ubisoft en tant que directeur technique. Et c'est lui qui s'est occupé notamment des environnements de Ghost Recon Wildlands. Justement, ces décors avaient été créés avec des outils procéduraux. Donc c'est assez impressionnant, allez voir cette vidéo sur Gameblog. J'ai même vu que Dopamine, sur son compte Twitter, s'étonnait que personne d'autre ne relayait cette information. La revue de presse JV le fait pour ses tipeurs du samedi. C'est type magnifique. Donc c'est intéressant, une technologie à suivre. Alors je sais pas si on peut la qualifier de révolutionnaire, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et donc, bah, à suivre, hein, à suivre. Pikachu et ses amis vont très bien, merci pour eux. On a parlé cette semaine de Pokémon Go, hein, qui bat encore des records, d'Ultra Lune et Ultra Soleil sur 3DS qui se sont vendus bien plus qu'on ne l'aurait pensé. Et ben aujourd'hui est tombée la news qui tue, la saga Pokémon, attention, s'est vendue à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde depuis les premiers épisodes de 1996. C'est hallucinant, imaginez quand même 300 millions. Ce qui est quand même incroyable, c'est que cette saga qui dure maintenant depuis tant et tant et tant d'années a réussi à traverser les générations, à être même transgénérationnelle, puisque les parents qui y jouaient étant enfants font découvrir la série à leurs enfants, ils jouent ensemble. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais cette image un peu familiale de Pokémon, on la voit en ce moment, il y a une pub qui tourne où ils rassemblent dans la même publicité, un père et des enfants se réunissent, où on peut voir Pokémon Go, les Pokémon sur 3DS, etc. Un petit peu ce côté rassembleur, rassemblement des générations autour de Pokémon. En tout cas, ce n'est pas prêt de partir, je repense à ceux qui pestaient contre les Pokémon lors de leur naissance en disant que ça allait être une bulle qui allait éclater. Ils doivent bien être dégoûtés maintenant. Pikachu n'a pas fini de brasser des millions. D'ailleurs, est-ce qu'il y a parmi vous des fans de Pokémon ? J'aimerais bien savoir, puisque moi, je reconnais totalement la grande qualité, en tout cas, de la série canonique, mais j'ai jamais adhéré. J'ai fait partie des premiers acheteurs en 96. Hein. Avec mon frangin, je me souviens, on avait acheté bleu et rouge sur la Game Boy première du nom. Je sais, le Game Boy, mais bon, je continue de dire là. Que voulez-vous, c'est comme ça. Est-ce que et donc, j'ai jamais trop adhéré au système, même si je reconnais son extrême efficacité. Donc, y a-t-il des fans parmi vous ? Si oui, n'hésitez pas à m'en parler. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des dernières versions de Pokémon Go, de Pikachu et de tous ses amis ? N'hésitez pas à m'en parler, car ça m'intrigue pas mal de savoir ce que vous en pensez exactement. Je vous en avais parlé il y a quelques jours, Sega a annoncé Valkyria Chronicles 4, la suite donc de son magnifique Tactical RPG qui s'était un petit peu perdu en route ces dernières années. Et donc il était prévu pour 2018, sans trop de précision. Et ben sachez que l'éditeur japonais a déclaré aujourd'hui, et on vient de l'apprendre là, vendredi soir, c'est incroyable, vous avez la primeur quelque part, et ben que le développement était terminé à 90%. Effectivement, Sega aurait attendu la fin de ce développement pour annoncer le jeu, ce qui est une bonne surprise. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une annonce avec un jeu qui sort quelques mois plus tard, comme le fait très souvent Nintendo. Et ben donc la Sega s'y met aussi, Sega nous fait des belles surprises. Alors est-ce qu'on pourrait espérer une sortie début 2018 ? Peut-être janvier, février, mars, je ne sais pas. Ce serait une excellente surprise. Enfin, en tout cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant dès qu'on aura du nouveau de ce côté-là. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de ça, de la chaîne Game X Plaine. Alors Game, un grand X et Plaine, P-L-A-I-N. Une chaîne en anglais, je sais bien, mais pas de panique, si vous êtes anglophobe, il suffit de regarder juste les images, on comprend très bien. Je rappelle le principe de Game X Plaine, c'est-à-dire qu'il décortique vraiment tout sur des jeux, sur des gameplays, sur des level design, sur des trailers. Alors, ça ne va pas aussi loin que les analyses de Mark Brown, hein, que je vous conseille d'ailleurs fortement, la chaîne de Mark Brown, hein, là, qui analyse vraiment plus en détail tout ce qui est game design. C'est vraiment une merveille. Donc, je reviens sur Game Explained. Je ne vais pas perdre le fil. Et donc, Game Explained, en fait, ces derniers temps, sont à fond sur les jeux Nintendo Switch, hein, que ce soit Mario Odyssey, hein, en premier lieu, Splatoon 2, la version Switch donc de Skyrim, ARMS, vraiment... Il y a pas mal de choses, et donc je vous invite à aller voir parce qu'ils dénichent très souvent des petites astuces, ils ont des analyses très pertinentes, ils relèvent des choses, ils mettent le focus sur des points que vous n'auriez pas forcément relevé, hein. Et moi le premier d'ailleurs. Je sais qu'à l'époque de la folie Super Mario Maker, extraordinaire Super Mario Maker, et pourtant voilà que je ne lâchais pas, que j'avais décortiqué en long, en large et en travers, et ben Game Explained avait trouvé pas mal de choses cachées, que ce soit des easter eggs ou même carrément des astuces au niveau de la construction des niveaux auxquels je n'avais pas pensé. Et c'est vrai que c'est vraiment... des gens formidables, allez voir ça. Et donc, je le répète, si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas très grave. En parlant de Nintendo Switch, si Xenoblade Chronicles 2 vous fait méchamment de l'œil, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne d'Atomium. Alors, je vous avais parlé de la chaîne Atomium Live, où effectivement, le petit père était à fond sur Nier, premier du nom. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça, ce qui continue ses streams. Moi, ayant déjà fait Nier, je ne rate aucun de ses let's play sur Nier, parce que déjà, c'est toujours un bonheur de revoir une merveille de Yoko Taro avec ses musiques absolument fantastiques. Et comme je vous le disais dans une précédente émission, Atomium a un sacré bagou. C'est vraiment, je pense, hein, le streamer français le plus doué, en tout cas un des plus doués. Mais, donc ça, c'est sur Atomium Live, hein, sa chaîne secondaire. Mais sur sa chaîne principale, Atomium, tout court, hein, vous tapez Atomium... Ça se trouve très facilement sur YouTube. Il a fait une preview d'un quart d'heure, 20 minutes sur Xenoblade Chronicles 2, qui est vraiment très très sympathique. Donc si ce jeu vous fait de l'œil sur Switch, eh ben, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. C'est de la bonne! Et c'est ainsi que se termine cette revue de presse JV du samedi. J'espère qu'elle vous a plu, c'est toujours un bonheur de se retrouver ensemble comme ça, entre nous, le samedi matin. Merci à tous, merci pour votre contribution, elle me donne une patate d'enfer, ça je peux vous le dire. Merci au tout dernier venu des tipeurs, Turtle. Alors Turtle, oui, tu étais tipeur avant, mais tu as franchi le cap pour un don mensuel de 5€ et rejoindre le club du samedi, le club des champions. Je te remercie mille fois Turtle pour ton soutien, ça fait chaud au cœur. Merci à vous tous, vraiment. Merci à DomDom01, Evolix, Pipoletsu, Neo Calimero, Cinedif, Valentin, Forza Pedro, JP Madère, Remix92, Somaz, Graou91, Emmanuel, Mika HXC, Karl AHL9, Pizza Hunter, Lina Nounette, Machin Truc76, Monsieur A. Mac BN, Francois et Mopral. Merci à tous. Alors si j'en ai oublié un, n'hésitez pas à venir me kicker le cul sur Twitter pour que je répare cette infamie. Vous avez vu que je vous ai mis deux liens, hein, donc ce matin pour écouter l'émission, puisque sur archive.org, visiblement, il y avait des petits soucis avec certains modèles de mobile. Donc maintenant, vous avez un lien également en plus, hein, sur Drive, Google Drive. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, au moindre souci. N'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter ou sur Facebook. Donc n'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous, même cette édition du samedi, à réagir sur Twitter, à propager la bonne parole autour de vous. Et je vous souhaite un excellent week-end. Bon courage pour ceux qui bossent, reposez-vous bien pour ceux qui ne bossent pas. Et je vous dis à lundi, bon jeu vidéo, bon week-end, gros bisous. Allez, bye bye. Réjouissez-vous car une démo, si vous avez... Oh putain. Donc pour se mettre, pour aborder une thématique qui gêne... Et voici donc un poème en total impro. Et voici donc un poème en total improvisé. Et voici donc un poème en total impro. Et personnellement, je trouve ça très très bien. En espérant que leur prochain. En espérant que leur prochain projet. Se sont écoulés à 1,180. C'est nul. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle. Ben, d'accord, super. Comme on pouvait encore le voir sur ce.